À mon lu. Oh, et merde. Si Minital Archemique n'utilise pas ma ville pour venir gerber ici et déverser ta bile, t'es plus que dingonique et t'es pas un peu débile de casser mon lu, les habitants ils vivent tranquilles. Mes confrères noirs sur blanc et puis David Walter ont profité de l'occasion pour rédiger des vers. Eux dans les temps, moi en retard avec modeste verbe. Nous soutenons cette thèse que ton texte nous fout la gerbe. Michael Furnon, assonnant de jambon, cherchait des rimes. Sans qu'on choisit de faire la promotion de mon luçon. L'ennui c'est qu'au-delà de 3 ou 4 rimes, personne ne rit. Ton morceau pourri ne suscitera que la moquerie. Avant d'écrire de telles choses, pense à te regarder niquer. Ton talent ne s'étoufferait-il pas depuis respirer niquer. T'as si peu d'intérêt et de respect pour ma petite ville. Tes couplets t'ont suffi, le refrain t'as pas jugé utile. Mais non, avec la gueule que tu as, ta tristesse, ta monotonie, t'étonnes pas d'avoir été jeté. C'est toi qui es gris comme une vieille mamie. Ne fais pas comme notre mère à dessus du gris. Ne remets pas les pieds ici si pour toi c'est pourri. Mais tu trouverais ça drôle, tu verrais des zizi. Mon chien ne serait plus seul pour sur toi faire pipi. Même si tu revenais à reculons, t'aurais pas mal à repartir avec élan. Crois-tu par ton unique présence nous avoir fait plaisir? À plein de mon luçonné, t'as donné envie de vomir. T'as un petit peu souillé notre blason bourbonné. Pensais-tu pouvoir passer et seulement te moquer? Je te suis reconnaissant, ça m'a bien fait marrer. Je peux rebondir sur tes lignes naïves un peu barrées. Tu n'as pas eu peur, Mickey, de nous offenser. Mais ta langue, le français, essaie de respecter. On ne dit pas. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il m'a dit. Mais Mickey, plutôt, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. D'accord. Mais non, on ne te prend pas pour un demi.